Porc aigre-doux au gingembre. Recette de cuisine médiévale de Brouette d'Alamanise, Brouet d'Allemagne, Maître Chicard, Dufay de cuisine, 1420. Ingrédients. 2 kg de porc, 700 g de bouillon de bœuf, 350 g d'oignons, saindoux ou huile, 90 g de vin rouge ou vin blanc avec le chapon, 60 g de vinaigre ou vert jus avec le chapon, 75 g d'amandes entières broyées, une cuillère à café et demie de gingembre, un tiers de cuillère à café de maniguette, un quart de cuillère à café de muscade et un huitième de cuillère à café de chaque, poivre, clou de girofle, massis, du safran pour la couleur, 20 g de sucre et 4 g de sel. Recette. Faites revenir les oignons émincés. Faites revenir le porc coupé en morceaux. Ajoutez-y oignons, bouillon, sel. Mijotez le tout une heure à couvert. Ajoutez ensuite amandes, sucre, vin et épices délayées dans le vinaigre. Mijotez encore un quart d'heure et servez votre bonne recette de cuisine médiévale à vos convives.